لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع علم من أعلام السنة وهو الشيخ العلامة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، توفي سنة 1406 للهجرة، والإمام محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله حسيني حسني سجل ماسي، داعية إلى التوحيد، ناشر للسنة، نفع الله بدعوته أهل المشرق وأهل المغرب. ولد سنة 1301 بالفيضة القديمة وتسمى بالفرخ، من أرسج الماسة المعروفة بتفيلات من بلاد المغرب في الجنوب. قرأ القرآن على جده ووالده فحفظه وهو ابن 12 سنة رحمه الله. رحل طالبا للعلم إلى كل من القاهرة والهند والعراق ثم المملكة العربية السعودية، حيث عين مراقبا للمدرسين مدة سنتين، ثم مدرسا في المسجد الحرام والمعهد السعودي بمكة لمدة سنة. وفي سنة 59 و300 هجرية حصل على رسالة الدكتورة في ترجمة مقدمة كتاب الجماهير في الجواهر للبيروني مع التعليق عليها، وكان ذلك بألمانيا رحمه الله تعالى. وفي سنة 88 و300 للهجرة توجه إلى الحج، فالتقى بالعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فعين أستاذا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وبقي فيها رحمه الله تعالى إلى سنة 94 و300 للهجرة. Avec un emblème de la sunna du monde moderne de notre siècle, un homme qui est mort il n'y a pas très loin. تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه parmi les hommes de science d'Afrique du Nord, il est mort en 1406 de l'Hégire. On est en 1429, donc il y a à peu près 23 ans seulement. Ce grand imam Mohamed Taqi Din Hilali rahmatullah alayh était hassanite Sijil Massi de la région de Sijil Massa dans le sud marocain. Il était un grand prêcheur du monothéisme et un grand homme qui a propagé la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala par sa da'wa a été bénéfique aux gens de l'Est et aux gens de l'Ouest. Il est né en 1311 de l'Égir, Al-Farkh, une région de Sijil Massa qui est connue aujourd'hui sous le terme du Tafilalt. Et le Tafilalt, c'est le berceau de la dynastie qui règne actuellement sur le Maroc. Il a mémorisé le Coran, il l'a lu sur son grand-père, puis son père, il a mémorisé le Coran à l'âge de 12 ans. Rahmatullah alayh. Il a voyagé à la demande de la science, il a été en Égypte, en Inde, en Irak, et plus tard en Arabie Saoudite, où il a été l'inspecteur de ceux qui enseignent dans la mosquée de Mohammed alayhi salam. Il a enseigné aussi dans le Haram al-Mekki, et dont l'Institut de Mecca aussi. Il a sa risala de doctorat, il l'a eu en Allemagne. Il a authentifié Kitab al-Jamahir al-Biruni, dans lequel il a répliqué aux orientalistes d'une grande réplique, tellement la réplique était forte que les Allemands étaient ébahis devant cet homme. Ils le respectaient. Et il a commenté cette Al-Jawahir al-Biruni, rahmatullahi ala Sheikh Taqin wa ala immat al-Muslimin. En 1388 de l'Égypte, il est revenu pour faire son pèlerinage à la Mecque. Et là, il a rencontré Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, qui l'a désigné comme prof à l'université de Médine, rahimahullah ta'ala. Il est resté jusqu'en 1394 en tant que prof à l'université de Médine. Kana li da'wati, rahimahullah ta'ala, الأثر الكبير في الهند وفي العراق وفي أوروبا عموما وأما في المغرب فنور الله سبحانه وتعالى بدعوته مدن المغرب وقراها وكان له طلبة كثير ولكن ضيعوه وضيعوا شيخهم وضيعوا علم شيخهم تتلمد عليه الكثير من بلاد المغرب حتى في الجزائر كذلك كثير قرأوا عليه النحو والحديث واللغة والعقيدة والفقه وكان فحلا لا يجاري فشعره يحاكي الأقدمين كأنه رضع اللغة العربية من تدي أمه لدعوة Le Cheikh Taqi Ad-Din Hilal rahmatullah alayhi était une da'wa bénite min Allah azza wa jal. Dans beaucoup de pays, en Inde, en Irak, en Orient, en Europe, il est resté beaucoup d'années, pas très loin de vous, en Belgique, notamment dans la ville de Courtrai et dans la ville de Mougron. Et il a eu beaucoup d'élèves, notamment en Afrique du Nord et surtout au Maroc, mais ce qui est malheureux, c'est que ces étudiants en Afrique du Nord ont négligé la science de leur chir et ont négligé l'héritage et ont négligé en même temps leur chir rahmatullah alayh. Beaucoup en Afrique du Nord ont étudié chez Cheikh Taqi Ad-Din Hilal, que ce soit les sciences de la langue, les sciences du hadith, le dogme, la jurisprudence. C'était un talent dans tous les domaines. C'était un expert dans tous les domaines. N'importe quel domaine que tu ouvres, c'était l'expert de ce domaine. Et il était un grand poète. Sa poésie équivalait à la poésie des anciens. On dirait que la langue arabe, il l'a bu avec le lait de sa mère. Rahmatullah alayh. Fa qala anhu aimmatu الدين في هذا الزمان هذا العلامة الألباني رحمة الله عليه يعد الهلالي ضمن خمسة لم يرى مثلهم البتة لا في العلم والتحقيق وهؤلاء الخمسة الذين يجلهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه ولم يرى لهم مثيلا في العلم هم ابن باز رحمة الله عليه والشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله وعبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله والشيخ بديع الدين سندي رحمه الله تعالى والإمام الشرقيطي رحمة الله عليهم هؤلاء الخمسة كان يجلهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه ولم يرى لهم مثيلا في العلم رحمه الله تعالى وهو من هو في الديانة وفي العلم وفي الدفاع عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام Les hommes de science ont dit de cet homme, et notamment Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, et qui c'est Cheikh Nasr, le lion de la sunna, l'homme de la sunna par excellence, il dit qu'à son époque, qu'il n'a pas vu d'hommes qui sont ancrés dans les sciences tels que cinq personnes. Il désigne ces cinq personnes, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Taqi Ad-Din Hilali, Cheikh Abdurrahman al-Mubarak Fouri, Cheikh Badi'ad-Din Sindi, l'imam Shnqita rahmatullah alayh. Là, c'est l'attestation de l'homme de la sunna par excellence, du lion de la sunna par excellence. Il dit qu'à son époque, il ne connaît pas l'équivalent de ses 50 dans la science. وهذا المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى يقول في الحقيقة وهو من هو في الحقيقة لم ألتقي مع رجل يحوي علما جما في فنون عديدة مثل الدكتور الهلالي رحمه الله وقد مضت عليه الآن 45 سنة لم أرى مثله وكان جاره في المدينة. C'est maintenant Hammad al-Ansar, rahmatullah alayh, un des grands muhaddith aussi de notre siècle, qui a rencontré les grands. Et il dit, le Cheikh Daqid al-Hilali, rahimahullah ta'ala, en réalité, je n'ai pas rencontré un homme qui contient autant de science dans tous les domaines, dans différentes matières, comme Dr. Hilali, rahimahullah. Il a dit, voici 45 années que je rencontre des hommes, je n'ai pas vu comme lui encore. Il était son voisin dans la ville de Médine. Ils habitaient le même quartier. Rahmatullah alayhim jamia. Wa hada Muhammad Rashid Rida yaktub lil Malik Abd al-Aziz al-Saoud. Wa yusihi bi Sheikh Taqi al-Din al-Hilali wa yaqul inna Muhammad Taqi al-Din al-Hilali al-Maghribi afdalu man ja'akum min ulama'i al-Afaq. Fa arju an tastafidu minhu. إن محمد تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من الآفاق فأرجو أن تستفيدوا منه. Voici maintenant une lettre que Rachid Rida envoie au roi d'Arabie Saoudite à cette époque. Il lui dit, Muhammad Taqi al-Din al-Hilali, c'est le plus noble parmi les hommes de science qui est arrivé chez vous. Profitez de lui. Le conseil qu'il donne directement au roi d'Arabie Saoudite de cette époque, qui était Abd al-Aziz al-Saoud, rahimahullah ta'ala. Wa hada al-allama muhib din al-khatib, rahimahullah. Yaqul al-hilali min afadilina. Al-hilali min afadilina. Alladina ajma'a ala li'tirafi bifadlihim al-sharq wal-gharb. والعرب والعجم والمسلمون وغير المسلمين فهو في الحجاز نار على علم شهرة وفضل وفي الهند تبوأ منصة التدريس في أرقى جامعتها وفي العراق معروف بخدمة هذه الأمة وحرصه على خيرها وهو الآن في ألمانيا موضع الحرمة من أركان جامعة بون التي يتولى التدريس فيها فالأستاذ الهلالي رجل عالمي واسع النظر واقف على أحوال الشرق والغرب رحمة الله عليهم جميعا. محمد محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى الجد الشيخ الهلالي c'est le meilleur parmi nous. Ils sont, que ce soit l'Est, les gens de l'Est et de l'Ouest sont unanimes pour les vertus, pour la suprématie de cet homme. Les Arabes et les non-Arabes sont unanimes. Les musulmans et les non-musulmans sont unanimes. Les vertus de cet homme, à reconnaître les vertus de cet homme et la valeur de cet homme, la valeur scientifique de cet homme. C'est un emblème dans le Hijaz, en Arabie. En Inde, il a enseigné dans les plus grandes universités de l'Inde. Et en Irak, il a été connu pour le fait de propager la sunna et le monothéisme. Et il est connu pour le fait qu'il veut le bien pour cette communauté. Et maintenant, à cette époque, donc, où le Khatib a écrit ce maqal, il a dit, maintenant, il est en Allemagne, et il est respecté là-bas, et il fait partie des piliers de l'université de Bonn, où il a enseigné, rahmatullah alayh. Hilali rahimahullah dit de lui le khatib que c'est un homme universel qui a une vision énorme. et qui connaît les situations de l'Est et de l'Ouest. ويقول عنه العلامة ابن بديس رحمه الله للغرب الإفريقي ابن عالم بار ابن عالم بار أنجبه المغرب الأقصى هو العلامة الأستاذ محمد تقي الدين الهلالي المدرس بالهند عندما كتب ابن بديس رحمه الله هذا المقال كان في ذلك الوقت شيخ تقي الدين الهلالي يدرس في الهند لهذا الأستاذ شهرة علمية إصلاحية عظيمة بالشرق ومقالات رنانة في صحفه ابن بديس رحمه الله تعالى كي est un grand homme de science un grand réformateur en Algérie et qui a éduqué les Algériens sur le monothéisme sur le fait de revenir à la voie du puiseur d'Allah alayhim, dit que pour l'Occident africain, l'Ouest africain, l'Ouest africain a un grand fils savant dévoué, en parlant de Cheikh Taqi Dil Hilal, rahmatullah alayh, dit ce savant est né à Maghrib al-Aqsa, le Maroc lointain, c'est-à-dire au Maroc, c'est l'éminence professeur Mohamed Taqi Dil Hilali, qui à l'époque où Ibn Badis faisait ses éloges, écrivait ses mots, il était à l'époque professeur en Inde. Rahimahullah ta'ala. Il est professeur en Inde actuellement, et ce professeur a une renommée internationale, scientifique et internationale, est un réformateur, un grand réformateur. Et ses exposés et ses écrits sont très fortes. فمع هذا العلامة السلفي المغربي الذي احتار أهل العلم في تصنيفه هل هو متخصص في العقيدة؟ هل هو متخصص في الحديث؟ هل اختصاصه اللغة العربية؟ هل اختصاصه الصحافة؟ هل هو الحالة؟ هل هو متخصص في علم العروض؟ هل هو متخصص في التاريخ؟ وقال أهل العلم والذين عاصروا وعرفوا أنه بلغ في هذه العلوم كلها رتبة قل من يصل إليها وكان صحافيا ذو قلم شديد وذو دقة رحمة الله عليه avec cette éminence de la voix du salaf رضو الله عليهم ce défendeur de la sunna qui est Cheikh Taqi Dil Hilal رحمة الله عليه les hommes de science ne savent pas dans quelle catégorie de mettre. Est-ce qu'ils doivent le mettre parmi les hommes du hadith ou là parmi les spécialistes de la langue ou là les spécialistes de la jurisprudence ou là les spécialistes de l'histoire ou là les spécialistes de l'éloquence ou là de la science du commerce ou alors c'est un globetrotter qui n'a pas laissé un coin de la terre où il n'a pas été pour da'wah. Ou alors c'est un expert dans le journalisme, il a été un journaliste, un expert dans le journalisme. Et les hommes de science qui l'ont connu disent, dans toutes ces branches, il est arrivé à un degré où peu de gens peuvent arriver. Dans toutes ces branches, et dans toutes ces spécialités, il est arrivé à un haut degré. Fa rahimahullah, walat al-ilm fi bay'a, ilmiya. من أب وأم وجد وجدة وطاف وأفاد واستفاد من جل علماء البلاد رحمه الله تعالى رحمة الله عليه c'est un blâme de la sunna et ce grand imam a hérité la science dans un milieu scientifique dans un milieu familial qui est baigné dans la science que ce soit du côté de son père du côté de sa mère de ses grands-parents etc. Il a erré à la demande de la science et a propagé, à apprendre et à propager. عاش رحمه الله تعالى طفولته في المغرب ثم لما رأى أن الاحتلال الفرنسي والإسباني إذ أن المغرب كان في وقته رحمه الله شماله تحت وطأة الاستعمار الإسباني ومدينة طنجة كانت موقع عالمي كما يقولون والجنوب كان تحت وطأة الاستعمار الفرنسي وهذا الوضع لم يمكن الشيخ رحمة الله عليه أن يحمل دعوته كما ينبغي فانتقل إلى مصر والتقى هناك بكبار علمائها ورحل في أرجاء مصر ناشرا للعقيدة الصحيحة وذكر قصصا عجيبة عن هذه الرحلات في كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde. Son enfance, il l'a vécu au Maroc, à la demande de la science. Et il a appris la science beaucoup. Il est allé à Fès, il a rencontré les grands savants de l'université al-Qarawayn de cette époque, etc. Il a été en Algérie et autres. Et quand il a vu que la colonisation française qui occupait presque tout le centre marocain, et la colonisation espagnole qui était sur le Sahara, hein, et la colonisation espagnole aussi était dans une grande partie du nord du Maroc, et Tanger était une zone internationale. Il a vu que le colonisateur ne le laissait pas, on ne pouvait pas faire la da'wa ilallah azza wa jal, donc il a quitté le Maroc. Il est parti directement en Égypte, rahmatullah alayh. Il a rencontré les grands hommes de science de cette époque en Égypte. Et il a voyagé à travers les campagnes égyptiennes à propager le dogme et à propager l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et il compte lui-même des histoires extraordinaires dans son livre, hein, s'appelle « Da'wa ila Allah dans différentes régions du monde ». Rahimahullah ta'ala. Wa tahawwala ba'da dhalika من مصر إلى السعودية وفي السعودية التقى بأكابرها بكبرائها وعلمائها فأفادهم واستفاد منهم فكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وهو من هو شيخ الإمام الألباني رحمة الله عليه فكان يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه الشيخ تقي الدين الهلالي شيخي في العروض وأنا شيخه في التوحيد شيخي في العروض وأنا شيخه في التوحيد. après l'Égypte, il est venu en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, il a rencontré les grands hommes de science de cette époque. Il a rencontré Cheikh Mohammed bin Ibrahim rahmatullah alayh, qui est une éminence dans la science, qui est le Cheikh de Ibn Baz rahmatullah alayh. Et Cheikh Mohammed bin Ibrahim rahmatullah alayh disait de Cheikh Taqi Eddine El-Hilali, c'est mon prof au niveau des sciences qui concernent le commerce. Et moi, je suis son prof dans le monothéisme. Rahmatullahi alayhim jamia. Wa kathurat kadhalika liqa'atuhu rahimahullah bi Sheikh ibn Baz rahimahullah ta'ala. Wa kana Sheikh ibn Baz yaqulu al-Sheikh Taqi Eddine El-Hilali Sheikhi fi al-Tawhid. Wa huwa man huwa في الدفاع عن التوحيد وفي الدفاع عن العقيدة الصحيحة وفي نشر السنة وكان يقول عن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه كما نقله عنه تلامذة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الذين سمعوا من الشيخ ابن باز كان الشيخ تقي الدين الهلالي شيخي في التوحيد رحمة الله عليهم جميعا et il y a eu beaucoup de rencontres avec الشيخ ابن باز رحمة الله عليه Cheikh Ibn Baz dit de lui, c'est mon cher dans la science du monothéisme. Et qui c'est Ibn Baz dans la défense de l'aqida, dans la défense de la sunna, dans le fait de propager le monothéisme. Et il dit de Cheikh Taqi Eddine El-Hilali, rahmatullah alayh, et c'était mon cher dans le monothéisme. Fa'ala wa Muhammad Taqi Eddine El-Hilali, rahimahullah. Al-imam al-mutafannin fi fununin idda. والشاعر الأديب واللغوي الرحالة مات من قريب في الدار البيضاء. بيننا وبينه بين موتي 23 سنة الآن. ساسي محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله. ستيمينونس دي لا سيونس. سي سبيسياليست دون بوكو دو دومين. دون بوكو دو سيونس. Il était littéraire, il était poète, il était journaliste, il était globetrotter, il a fait le tour de la planète et il est mort à Casablanca. Et entre maintenant, ça fait à peu près 23 ans qu'il est mort, à peu près aux alentours de 1987, qui correspond à 1406 de l'Égypte. تكلمت عن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه قليلا، والذين يتتبعون أخبار هذا الشيخ من كتبه ومقالاته التي كتبت باللغة العربية وغيرها، وكان كل جل ما كتب رحمه الله مقالات، وهي أهم تراجمه، كتبه ومقالاته أهم تراجمه. كان كثير الاستطراد رحمة الله عليه في ذكر قصصه وأحواله. Et les sources qui nous parlent du Cheikh Taqi Eddine Lalali ne sont pas nombreuses. Ceux qui suivent les nouvelles du Cheikh Taqi Eddine Lalali, rahmatullah alayh, ils suivent tout simplement des écrits du Cheikh Taqi Eddine Lalali, de ses exposés. Et beaucoup de ses écrits, ce ne sont que des exposés. Hein, qu'il a écrit en langue arabe et en d'autres langues, en allemand ou là en anglais. Et dans ses livres, on retrouve une partie de sa biographie parce qu'il parle, il raconte ce qui lui est arrivé sur le champ de la da'wa dans beaucoup de livres. Notamment le recueil dans lequel il a raconté un petit peu tout, c'est ce recueil qu'il a intitulé Da'wat ila Allah fi aqtar al-mukhtalifa. La da'wa ila Allah dans différentes régions de la terre. Wa qad talabbaha ahlul ilm wa tullabul ilm li ahamiyati hadha al-'alam. Wa lidhalika يكتب عنه الباحث الأستاذ خالد الزهراني رسالة الماجستير بالجامعة الإسلامية بعنوان تقي الدين الهلالي وجهوده في الدعوة إلى الله. وآخر في هذه الأيام أحرج على درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية وهو من الجزائريين بعنوان تقي الدين الهلالي وجهوده في العقيدة. Et les hommes de science, et les demandeurs de science, leur attention a été attirée par cet emblème de la science qui est Cheikh Taqi Eddine Lalali, rahmatullah alayh. Khalid Zahrani, qui est un grand chercheur, est en train de préparer un magistère qui concerne à l'université islamique, dont le titre est ceci, Taqi Eddine Lalali et ses efforts dans le da'wah ila Allah. Il y a un Algérien, je ne me rappelle plus de son nom, il n'y a pas longtemps, il a eu son magistère à l'université de Médine, et le titre de cette risale, dit le magistère, et les efforts du Cheikh Taqi Eddine Lalali dans l'aqida. Wa kana rahimahullahu ta'ala yaqoumu bid-da'wati fi shamali al-Maghrib ibana l'istimar al-Faransi. Wa kana ba'daha yaqoumu bid-da'wati ila Allah fi madinat al-Dar al-Bayda wa mul'allafatuhu kathira. An wa lillahi al-hamd daharat. مؤلفات كثيرة للشيخ تقي الدين الهلالي. ويقول بعض تلامذة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لم أسمع بأنهم سمعوا أن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول بعض تلامذة الشيخ الذين لزموا الشيخ أكثر من 20 سنة، أي لزموا الشيخ ناصر الدين الألباني أكثر من 20 سنة، يقول لم أرى مثل شيخنا الألباني كالشيخ تقي الدين الهلالي. وكان بينه وبين الشيخ الألباني رحمة الله عليه مراسلات كثيرة، وبينهم أمور يتشابهون فيها وهي التدقيق والتحقيق. وكان الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عالما محققا للتوقيت وحريصا على التوقيت، وكتب كتابا في أصول التوقيت، وبين أن أوقات الصلاة خطأ، وكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يمدحه في هذا الباب. Et Cheikh Taqi Dilhilali rahmatullah alayh a fait da'wa à l'époque de la colonisation au nord du Maroc, notamment dans la région de Tanger, de Chaouen et autres, et dans la région de Nador et autres. Parce que comme il était en Allemagne, il attaquait beaucoup la France, donc la France ne l'a pas laissé rentrer au Maroc intérieur, sur lequel il avait la tutelle. Donc il l'a combattu, il l'a laissé au nord, il est resté au nord. Ils n'ont pas donné l'autorisation alors qu'il avait une maladie très grave, il était asthmatique. Et le climat du nord, à côté des plages, il est humide. Donc s'il lui convenait, c'est un climat de l'intérieur. Ils ne l'ont pas laissé rentrer. Ils ne lui ont pas donné le là. Et il est revenu dans le centre du pays, notamment dans la région de Meknès et de Casablanca, à faire dawa une fois que le Maroc a été indépendant. Rahimahullah ta'ala. Certains élèves de Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, qui sont restés avec Cheikh Nasser plus de 20 ans, disent, on n'a pas vu un homme qui était aussi minutieux que notre cheikh, que Cheikh Taqi Dilhilali, rahmatullah alayh. Il était minutieux dans tout, comme Cheikh Nasser, rahmatullah alayh. Et il disait, ils ont beaucoup de ressemblances. Ces deux hommes ont beaucoup de points où ils se ressemblent. Rahimahumullah ta'ala. Cheikh Taqi Dilhilali était un expert dans les horaires de prière. Il y a un authentificateur des horaires de prière. Et il a laissé un livre, qui s'appelle Les fondamentaux, les horaires de prière. Et Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, il lui fait l'éloge à ce niveau-là. Au niveau de l'authentification des horaires de la prière. Rahimahumullah jami'an. والتقيا كثيرا رحمه الله عليه الشيخ ناصر والشيخ تقي الدين الهلالي وبينهما مراسلات وقد وقف بعض طلبه الشيخ ناصر رحمه الله على بعض اخبار شيخهم التي كانوا لا يعرفون من خلال مراسلات الشيخ تقي الدين الهلالي للشيخ الباني رحمه الله عليه اي il y a eu beaucoup de rencontres entre eux, Cheikh Nasser rahmatullah alayh et Cheikh Taqi Dil Hilali. Ils se sont échangés beaucoup de correspondances, beaucoup d'écrits. Certains élèves de Cheikh Nasser rahmatullah alayh ont su des choses qu'ils ne savaient pas à travers les correspondances qu'il y a eu entre Cheikh Nasser et Cheikh Taqi Dil Hilali rahmatullah alayh. Wa min al-ajib annaka kayfa ma nadarta ila hadha al-'alam وكيفما قومت عجبت فالمصحف الذي يعتمده المسلمون اليوم والذي نشر منه مئات الملايين باللغة الإنجليزية هو من ترجمته رحمه الله فالمجمع للمصحف الشريف بالمدينة يطبعون ترجمته وكان رحمه الله اسمع يا عبد الله يا من لا تجد الوقت للغة العربية يا من تقول بأن اللغة العربية صعبة عليك ولا تعطيها من وقتك اسمع كان رحمه الله يتقن اللغة الألمانية والإسبانية إتقان والإنجليزية والعبرانية والبربرية ثم أصبح ضريرا وأصبح يتقن لغة البراعي رحمه الله تعالى همة عالية. Et n'importe quel aspect que tu vois, c'est de voir dans la vie de cet homme, tu es étonné. Ton étonnement n'arrête pas, ne s'arrête pas. On lui sait que le Mushaf, qui a été édité par des millions en langue anglaise, c'est une traduction du Cheikh Taqi Dil Hilali, rahmatullah alayh. Ce Mushaf qui dit, hein, le Mujamma à Médine, c'est une traduction. En anglais, c'est une traduction du Cheikh Taqi Dil Hilali, rahmatullah. Il perfectionnait, écoute. On n'arrive pas à donner du temps à la langue arabe et à l'apprendre, c'est difficile, etc. On n'arrive pas à prendre de notre temps pour apprendre la langue arabe, écoute. Il perfectionnait la langue allemande, l'espagnol, l'anglais, l'hébreu, le berbère. Et quand il est devenu aveugle à la fin de sa vie, il était expert dans la langue du braille, hein, dans la langue des arabes. Walidalika istahaqqa al-madha min ulama'i 'asri rahimahullah ta'ala. C'est pour ça qu'il a eu tant d'éloges des savants qui l'ont côtoyé, de ses contemporains, rahmatullah alayh. فاسمع لما دونه الأستاذ عبد الأول ابن الشيخ محمد حماد الأنصاري رحمه الله. فعبد الأول ابن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله ألف في ترجمة أبيه مجلدين جمع فيهما ما استفاده من أبيه وأقوال أبيه التي أخبره بها أبيه وما استفاده من أبيه وفي مجالس أبيه. فهذه أخبار الشيخ تقي الدين الهلالي على لسان الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه. والشيخ حماد الأنصاري كما مر معنا من كبار محدثي هذا العصر. دونك كنت منتنو ce qu'a écrit Abdel Aoul. Avancez un petit peu, barakallahu fikoum, pour vous laisser un petit peu de place. Voici ce qu'a écrit Abdel Aoul, qui est le fils لمحدث حماد الأنصاري رحمة الله عليه. عبد الأول écrit deux tomes sur la biographie de son père et sur ce qu'il a entendu de son père, que ce soit en privé ou là dans des assises. Ce qu'il a entendu, les paroles qu'il a entendues de son père, il les a mis dans deux. Avec ça, la biographie de son père, il les a mis dans deux tomes. Et dedans, on retrouve beaucoup de paroles concernant Cheikh Taqi al-Din Hilali rahmatullah alayh et d'autres de ses contemporains. Yaqulu hafidhahu Allah sami'tu al-walid man al-qa'il Abd al-Awwal yaqulu sami'tu al-walid ay Hamad al-Ansari rahimahu Allah yaqul Taqi al-Din Hilali akhrajahu min al-Madinati amiruha ابن إبراهيم لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشدة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أنه كان يأبى أن يقتصر في دعوته على حوالي الحرم، وكان يخرج للبدو، وكانوا على عقيدة فاسدة، وكان ينشر فيهم التوحيد، فخشي أن تقوى شوكته وأن يحمى ظهره بهذه القبائل، وأخرج من المدينة ودرس في المعهد السعودي في مكة المكرمة. عبد الأول dit j'ai entendu mon père dire que Cheikh Taqi al-Din Hilali a été expulsé de Médine par son émir Ibn Ibrahim parce que il s'acharnait à ordonner le blâme, à ordonner le bien et à blâmer le mal. Et il ne s'arrêtait pas tout simplement aux alentours du haram, mais il allait voir les bédouins et les tribus bédouines à l'intérieur de la terre. Et les bédouins étaient sur un mauvais dogme. Donc, il leur enseignait le monothéisme, il les orientait vers la sunna, etc. Et on a eu peur que il est de la force et une assise avec ses tribus, hein, et il a été expulsé de Médine vers la Mecque. Et à la Mecque, on l'a accueilli, on lui a donné le poste de professeur à l'Institut saoudien de la Mecque. Qala thumma aasha qa'il man Abd al-Awwal yahki 'an abih. Qala thumma aasha fi al-Iraq muddatan ba'da khurujihi min al-Madinah. Mais il a dit qu'il a vécu en Irak un grand moment après être sorti de Médine. وبقي يتردد على العراق 35 سنة وعنده أولاد هناك في العراق. عنده أولاد في العراق. فتزوج كثيرا رحمه الله تعالى. يقول أحد المصريين في مذكراته لما زرت الزبير بالقرب من البصرة وجدت أثرا حميدا وتلاميذ للشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. Et plus de 35 ans, Cheikh Taqi Dil Hilali allait en Irak. Et une grande partie de ses femmes, de ceux qui sont mortes, celles qu'il a divorcées, sont de l'Irak. Et il a beaucoup d'enfants en Irak. Il y a même certains, notamment une fille Khaoula, qui a eu son doctorat, qui enseigne à l'université de la capitale irakienne. Il y a certains aussi qui sont à Riyad, certains d'autres sont à Jeddah, d'autres au Maroc. Certains Égyptiens, dans ce qu'ils ont laissé comme écrit, et du coup, j'ai visité la ville d'El Zubair qui est proche de Basra, j'ai trouvé un bon impact de Cheikh Taqi Dil Hilali. J'ai trouvé beaucoup d'élèves de Cheikh Taqi Dil Hilali, il a trouvé beaucoup d'élèves dans cette petite ville d'El Zubair qui est à côté de Basra. وعودة إلى ما سطره شيخ حماد الأنصار رحمة الله يقول ثم عاش في العراق مدة بعد خروجه من المدينة وتزوج هناك وكان شاعرا يمتاز بميزات نادرة وقال له بعضهم مرة علمك هذا يقول للشيخ تقي الدين الهلال علمك هذا لا يستفاد منه فالمغاربة يشتكون من شدتك فلو خففت وقال فغضب الشيخ فغضب علي وقال لم تصر الأمور معي إلا بشدة كان رحمه الله تعالى شديدا في دين الله ولكنه في موطن الحلم كان حليما ويقول عنه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كان يعرف من اللغات العبرية والألمانية والإنجليزية والإسبانية بجانب أنه كان متفننا ومتقنا للغة العربية. Et donc, Cheikh Ahmad Al-Ansar, dans ce qu'il est apporté par son fils, dit que Cheikh Taqi Dil Hilali a vécu beaucoup de temps en Irak. Il s'est marié là-bas et c'était un poète particulier. Et Cheikh Ahmad Al-Ansari lui a dit une voix, ta science, on ne profite pas beaucoup de ta science. Les Maghrébins se plaignent, toi tu es un peu dur. Il a dit, Cheikh Taqi Dil Hilali s'est mis en colère. Il lui a dit, les choses n'ont été avec moi qu'avec fermeté. Il a dit, Rahmatullah Alayh, il était ferme dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Mais quand il fallait être doux et sage, il savait l'être, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Ahmad Al-Ansari dit de lui qu'il connaissait parmi les langues, l'hébreu, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, et il était expert dans la langue arabe. واسمعوا لهذا وصدق رحمه الله تعالى فيما قال قال بحيث لو كان في زمان الأصمعي لسلم له أنه إمام العربية لو كان في أصمعي هذا من أئمة اللغة ولو كان تقي الدين الهلالي في زمنه لسلم له إمامة في اللغة العربية وكان عندما يختلف الشيخ محمد رشيد رضا وهو من هو في اللغة العربية وأمير البيان في وقته شكيب رسلان عندما يختلفان يتجهان للفرق بينهما في المصطلحات العربية وغيرها إلى الشيخ تقي الدين الهلالي وهناك مراسلات عديدة وكثيرة تبين لك هذا الأمر كانوا يتحاكمون فيما اختلفوا فيه في اللغة العربية هذا الشيخ محمد رضا رحمه الله وشكيب رسلان وهو أمير البيان في وقته كانوا يتحاكمون إلى الشيخ تقي الدين الهلالي وكلما كانت عندهم إشكالات يرجعون إلى الشيخ تقي الدين الهلالي وهذا مسطر في رسائلهم المتداولة التي كانت تتداول بينهم écoute cet éloge que fait Cheikh Ahmad Al-Ansari à cet homme il a dit vrai رحمة الله عليه comme disent certains hommes de science il a dit c'est Cheikh Taqi dit l'Hilali vivait à l'époque d'Al Asma'i, bah, il aurait été l'imam de la langue arabe. L'Asma'i, une montagne au niveau de la langue arabe. Et les hommes de science, qui étaient les contemporains de Cheikh Taqi dit l'Hilali, disaient si Taqi dit l'Hilali vivait à la même époque qu'Al Asma'i, bah, on lui redonnait l'imamat dans la langue arabe. Et quand Mohamed Rachid Reda avait une divergence ou une différence avec l'émir de l'éloquence, reconnu par tout le monde à cette époque, qui était Shakib Rislan, rahimahumullah, jami'an, quand ils avaient une différence dans la langue arabe, quand ils étaient une impasse, ils prenaient comme juge pour trancher Cheikh Taqi dit l'Ilia, rahmatullah alayhi. Et ceci est relaté dans leur correspondance. Et reconnu par tout le monde, par tous ceux qui étaient les contemporains de Cheikh Taqi dit l'Ilali et qui étaient les contemporains de Mohamed Rachid Reza et de Shakib Rissla, rahmatullah alayhi jami'a. ويقول عبد الأول أي ابن الشيخ حماد رحمه الله تعالى وسمعت والدي يقول إن تقي الدين الهلال كان جاري في حي المصانع في المدينة وقد سافر إلى دولة السويد وما ترك بلدا إلا ساح فيه سواء شرقا أو غربا وقد وصل إلى الصين وشاهد في سياحة هذه أمورا عجيبة كان يحكيها لي رحمه الله تعالى. Et Abd al-Awwal de dire qu'il a entendu son père, Hamad al-Ansar, rahmatullah alayhi, dit que Cheikh Taqi dit l'Hilali était mon voisin à Médine, dans Hay al-Masani', dans le quartier des ateliers. Et il dit qu'il a voyagé vers la Suède. Il n'a pas laissé un pays où il n'a pas été. Cheikh Taqi dit l'Hilali, rahmatullah alayhi. Que ce soit à l'est ou là à l'ouest. Il est arrivé en Chine. Et il a vu dans ses voyages, des choses extraordinaires qu'il racontait à Cheikh Hamad al-Ansari, rahmatullah alayhi. Walahu maqala, al-shamsu fi muntasafi al-nahar, wa hiya matbu'a, dahaba fi rihlatihi ila biladi al-Narwij, da'iyan ila Allah. Il a une risala, le soleil en plein jour, quand il est parti vers le Narwij. Comment vous dites le Narwij? La Norvège. Hein? Il est parti là-bas pour prêcher. فاسمع الآن ماذا يقول تلميذه الذي كان معه في سيارته في سيارة الشيخ تقي الدين الهلالي رحلوا من المغرب إلى النرويج. وهذا التلميذ اسمه الحاج أحمد هارون وهو من مدينة تطوان. وكان رفيقه في هذه الرحلة. يقول رحمه الله لم يكن شيخنا ليضيع وقته مهما كان. كان يقرأ وكان قد مشى إلى النرويج بسيارته يقول وكنت معه يقول كان يقرأ ويكتب الأشعار وهو في السيارة يقضي يومه من الصباح إلى المساء في علم وتعليم وتأليف كانت له رغبة قوية في الذهاب إلى المناطق التي لا تغرب عنها الشمس فقمت معه برحلة قصدنا فيها شمال النرويج وبالضبط بلدة ناريك حيث تسود الظلمة لمدة 3 أشهر متتالية. يقول يتميز أستاذنا باتصاله بالشعب فأي شخص صغير أو كبير يستطيع أن يوقفه في الشارع ويتحدث معه كما كان بيته مفتوحا دائما فتجد الأفواج تأتي إلى بيته إلى منزله ولا يمل من الترحاب والإكرام سواء عندما كان في المدينة وعندما كان يقتل المغرب رحمه الله تعالى. Écoutez maintenant l'un de ses élèves qui l'a accompagné lors de son voyage vers le Norvège. Ils sont partis avec la voiture d'El Cheikh du Maroc. Et cet élève, il est de la ville de Tétouan. Il s'appelle Ahmed Haroun رحمه الله تعالى. Il était le compagnon du Cheikh dans ce voyage. Il dit, notre cheikh ne perdait pas son temps. Dans la voiture, hein, il a dit, quand on est parti dans ce voyage, il perdait. Il lisait, ou là il écrivait de la poésie, ou là il enseignait. Il a dit, toute sa journée, il la passe dans l'apprentissage, l'écriture ou l'enseignement. Et il disait, il avait une grande envie d'aller vers les pays où le soleil ne se couche pas, une longue période. Il a dit, j'étais avec lui, je l'ai accompagné durant ce voyage. On est arrivé vers, on est allé jusqu'au nord de la Norvège, vers une ville qui s'appelle Narik, où le soleil reste, où la nuit reste plus de 3 mois. Et il a dit, notre professeur, nous parlons de Cheikh Taqiyyed Din Hilali, il a vu cette particularité, c'est que il était au contact de tout le monde, le grand, le petit, tout le monde peut lui parler. Il parlait à tout le monde. Et tout un chacun, s'il l'arrêtait dans la rue, il s'arrêtait, il discutait avec. Et sa maison était ouverte, porte ouverte. Que ce soit quand il était à Médine ou là au Maroc, sa maison était ouverte. Et des vagues de personnes venaient chez lui. Et il ne se lassait jamais à les honorer et à les accueillir. Rahimahullah ta'ala. ويقول عنه تلميذ هذا وكان يقوم بنفسه قبيل صلاة الصبح ليسخن لنا الماء لنتوضأ به وكان حافظا لكتاب الله متقنا لقراءاته يحفظ كتاب الله بكل قراءاته الصحيحة القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة يعلمها كلها رحمة الله عليه ما صح من القراءات وما شذ منها كان يعلمها رحمه الله. Et il disait, durant ce voyage, c'est Cheikh lui-même qui se réveillait avant Salat al-Fajr. Ou là, quand il y avait du monde aussi chez lui, hein, c'est lui qui se réveillait pour leur chauffer l'eau pour l'eau d'eau. Et il était un grand mémorisateur du Coran. Il le perfectionnait à la perfection. Il connaissait toutes les versions de la lecture du Coran. Celles qui sont authentiques et celles qui sont marginales, qui sont... Toutes. Imaginez un petit peu. C'est un récipient de science par excellence. ويقول عنه الشيخ حماد رحمه الله عليه في الحقيقه كما قلنا في الاول لم التقي مع رجل يحوي علما جما في فنون عديده مثل الدكتور الهلالي رحمه الله. ويقول رحمه الله عليه ولقد مضت علي 54 سنه ولم ارى مثله. وهو من هو في العلم والورع والتقوى والتحقيق رحمة الله عليه. وقابل الأكابر كذلك محمد الأنصاري, قابل الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ الألباني والشيخ بن باز وغيرهم. الشيخ حماد الأنصاري dire comme cette parole que nous avons citée au début, en réalité je n'ai pas rencontré un homme tel que الشيخ تقييد الدين الهلالي. Il y avait une science dans tous les domaines. Il perfectionnait tous les domaines de la science. Il a dit, ça fait 45 ans qu'ils sont passés, je n'ai pas vu quelqu'un comme Cheikh Taqiyyed Din Hilali. Et qui c'est? Hamad al-Ansari. C'est un nom, c'est une montagne de science aussi. Qui a rencontré les grands comme Mohamed ibn Ibrahim, alayhim, comme Cheikh ibn Baz, alayhim, et autres. ويقول أيضا عن الشيخ تقي الدين الهلالي, الشيخ تقي الدين الهلالي ضيعه تلاميذه. أي لما ضيعوه؟ لأنهم لم ينشروا علمه, وهذا حق. Et Cheikh Hamad al-Ansari de dire que les étudiants et ceux qui ont profité de la science et qui ont étudié chez Cheikh Taqi الدين الهلالي l'ont négligé. C'est-à-dire ils n'ont pas propagé sa science. Alhamdulillah, l'un des élèves de Cheikh Nasser rahmatullah alayhi al-an, il a commencé à sortir les écrits, il a authentifié, il a sorti. Il a sorti un énorme travail de Cheikh Taqiyyed Din Hilali dans l'aqida et dans le menhaj qui s'appelle le rachad ila hadi khayr al-ibad. Il a sorti en 4 tomes authentifiés. Wa kana Cheikh Taqiyyed Din Hilali imaman fil lugha. ويقول عنه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وكان شيخي وكان سلفي العقيدة وكان شيخي وكان سلفي العقيدة. ويقول رحمة الله عليه لو قرأت كتابه في التوحيد لعرفت أنه لا أحد يعرف التوحيد الذي في القرآن مثله. وكتابه هذا اسمه سبيل الرشاد في هدي إلى هدي خير العباد, مر فيه على توحيد الربوبية من الفاتحة إلى الناس أي كل القرآن, ومر فيه على توحيد الألوهية من الفاتحة إلى الناس, وفعل ذلك في توحيد الأسماء والصفات. وتحت الآيات أدرج تفاسير السلف وأدرج الأحاديث والآثار السلفية وأقوال الأئمة المعتبرين والمحققين أمثال ابن القيم رحمه الله تعالى وابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم. إيه الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه دون يدير الشيخ تقي الدليل سيتي مون شيخ إلي تي سلفي دون الدوغم. Et il dit de lui, rahmatullah alayh, si tu lisais son livre dans le monothéisme, tu vas savoir que, tu vas dire que personne ne connaît le monothéisme qu'il y a dans le Coran comme lui. Et il a dit vrai. Ceux qui ont lu ce livre, parmi les hommes de science, disent que Cheikh Taqi Eddine Hilali, dans son livre Sabil al-Rashad, il a dit Khair al-Ibad, il est passé du Coran, de l'Fatiha jusqu'à Nas, jusqu'au dernier verset. Jusqu'à la fin du dernier verset, pour ce qui concerne le monothéisme de la seigneurie. Il a fait du même, du Fatiha al-Nas, pour ce qui concerne le monothéisme des noms et des attributs d'Allah. Il a fait du même pour le monothéisme de l'adoration, pour ce qui concerne, il a passé tout le Coran, du Fatiha al-Nas. Et il a ramené les interprétations des salaf, radouallah alayhim, des versets, ainsi il a ramené les hadiths, et il a ramené les paroles des imams qui sont considérés des grands imams de cette communauté parmi les identificateurs comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, Ibn al-Qayyim Ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayh. Wa qad nala shahadat doktora fi Almanya rahimahullah bayna sanat 46 wa 51 lil milad. وشهادته للدكتوراه في تحقيق كتاب البيروني الجماهير في الجواهر ورد فيه على المستشرقين وأعجب به الألمان إعجابا شديدا. وفي تلك الفترة أنشأت ألمانيا إذاعة لمحاربة فرنسا وإسبانيا فكان هو المسؤول عن القسم العربي في مهاجمة فرنسا وإسبانيا من ألمانيا. وهذا الذي جعل الإفرنج لا يتركونه يدخلونه إلى يدخل إلى وسط المغرب عندما كانوا محتلين وسط المغرب. Et il a eu son doctorat comme nous l'avons vu au départ en Allemagne. Il a eu entre la période 1946 à 1951. Son doctorat c'était dans l'authentification du livre de Al-Bayrouni, Jamahir al-Jawahir. Dans ce livre, il a répliqué, dans la muqaddima de ce livre, il a répliqué aux orientalistes. Et les Allemands ont été ébahis devant cet homme, et devant la science de cet homme. Et à cette époque, on a créé la radio allemande pour combattre et pour attaquer les Français et les Espagnols. Et Cheikh Taqi Eddine Hilali était le responsable de la section arabe à combattre et à attaquer les Français et les Espagnols. C'est ce qui a fait par la suite que les Français ont refusé de le laisser rentrer dans le Maroc intérieur. C'est ça qu'il est resté cantonné dans la zone internationale de Tanger. Il allait un peu à Chaoun, un peu à Vernador, etc. Et il a souffert beaucoup par l'humilité. وكما مر معنا حفظ كأئمة الدين القرآن وهو عمره 12 سنة. Comme il est passé avec nous, comme beaucoup d'hommes de science, il a mémorisé le Coran à un âge très bas, à l'âge de 12 ans, il a vu le Coran. وكجل طلبة المغاربة في جنوب المغرب في ذلك الوقت نشأ في بدايته رحمه الله على الطريقة التيجانية، وهذه كانت عادة في نواحي المغرب أن يكون الطالب على طريقة صوفية. وعندما عرفها وكشف زيفها كتب فيها الهدية الهادية في الفرقة التيجانية، طبعه الشيخ بن باز رحمة الله عليه ووزع وهو متداول. Tout un Marocain qui commence dans le domaine de la science en étant petit et jeune garçon, dans la région du sud, les étudiants prenaient des voies soufis, rentraient dans une secte soufie. Lui, il est rentré dans la voie d'Eltijani. Et ça, c'était l'habitude à travers différentes régions du Maroc. Et quand il a connu cette tariqa, et le faux dans lequel baignait cette tariqa, ben il l'a refuté avec un livre qui s'appelle Hadi al-Hadiya, fil firqa al-Najiya. Ce livre a été édité par Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, il a été distribué. Et ce livre, on le retrouve maintenant. Il existe dans les librairies maintenant, dans beaucoup d'éditions égyptiennes l'ont réédité. وعندما كان يدرس رحمه الله في الأزهر بمصر قرأ كتاب العول المعبود في شرح سنن أبي داود فقال فظهر له أنه لا تزال بقية علماء بالهند فعزم إلى السفر إلى الهند رحمة الله عليه. Et quand il était, il étudiait à l'université de l'Azhar en Égypte, il a lu le livre العول المعبود qui est une interprétation de سنن أبي داود par une éminence du hadith indien. Il lui a paru qu'il reste encore des hommes de science en Inde. Et il a eu la ferme résolution de voyager en Inde. Et il a voyagé en Inde. Tafa rahimahullah, wa lahu qasas wa ahwal, fi kitabihi al-da'watu ilallah fi aqtar mukhtalifa. Wa hadha al-kitab jadilun bi an yuqra. Wa safara rahimahullah ila al-Hind, wa darasa في مدارسهم ودرس واجتمع بعلمائهم وأخذ عنهم العلم والإجازة في علم الحديث عن أفضل من وجد هناك وهو الشيخ المبارك فوري رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمة الله قرأ عليه طرفا من الكتب الستة. دونك شيخنا الشيخ تقي الدليلان رحمة الله عليها فوياج Et il a beaucoup d'histoires qu'il raconte dans ce livre qu'il faut lire. Ceux qui maîtrisent l'arabe, lisez-le. Hein? La da'wa ila Allah dans différentes régions du monde. Vous allez voir un petit peu ce qu'il a rencontré, les histoires qu'il compte, etc. Et comment cet homme, des fois, quand il a commencé à enseigner en Inde, alors enseigner l'arabe dans certaines écoles, ben, il ne connaissait pas l'ourdou, ni l'anglais à cette époque-là. Il le faisait avec les gestes. Il leur enseignait avec une manière pédagogique, avec les gestes. Il arrivait à leur faire comprendre ce qu'ils voulaient et à les faire exprimer en arabe. Quand il est arrivé en arabe, il a étudié certains grands hommes de science. Et il a enseigné dans la plus grande université du hadith là-bas. Et il a pris l'autorisation dans le hadith chez le meilleur de cette époque. L'homme dont a dit Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, qui nous connaît, qui fait partie des cinq qui ont une science profonde, Abdelrahman Moubarak Fouri, rahimahullah. Et il a lu chez lui une grande partie des six livres de la Sunna. Et il lui a donné l'ijaza dans ses. Et quand il est revenu en Arabie Saoudite, il a été désigné pour être l'imam du haram, le Médine. Mais il a dit au responsable, à l'émir, il a dit à une condition. Subhana Rabbi al-Azim 10 fois dans le rukou. Subhana Rabbi al-A'la 10 fois dans le sujoud. Et il lui a dit non, c'est trop long pour les gens. Il a refusé le poste. Ils lui ont donné l'inspecteur des enseignants du haram. كانت قرة عينه في الصلاة رحمه الله تعالى ويدلك على هذا كتابه في صفة الصلاة الصلاة المستقيم رسالة صغيرة في صفة الصلاة من التكبير إلى التحريم رحمة الله عليه ومرت علينا مدة في مدينة مكرم كان الشيوخ هنا تعلموا عليه صفة الصلاة عندما دخلنا ذلك المسجد كإمام في ذلك المسجد كان من الأمور العجيبة التي كنت أراها في الشيوخ أن تدخل المسجد تقول السلام عليكم فترى الشيخ يرفع يديه يرد عليك السلام وتراهم يحيون سننا ما يعرفها كثير من الناس رفع اليدين للسجود رفع اليدين في الرفع من السجود، جلسة الاستراحة وأمور، وإلصاق الكعب بالكعب. فسألت مرة أحد الشيوخ، قال لي نحن بقى معنا في مدينة كورتري الشيخ تقي الدين الهلالي 6 أشهر يعلمنا صفة الصلاة، وكان ضريرا، وكان أحد تلاميذه يقرأ عليه التفسير، كان يفتح لهم في التفسير، وكان كذلك يعلمهم صفة الصلاة رحمة الله عليه. فأثره حي حتى في العوام، وكانت مواقفه كانت له مواقف حازمة. فكان مما مرة أتى الشيخ أبو بكر الجزائري إلى مدينة بروكسل، وكان هو سافر إلى مدينة بروكسل مع مجموعة من أهل هذه القرية، قرية موكرون هذه التي توجد في الحدود بين فرنسا وبلجيكا قرب روبي وليل. فقال له العوام والشيوخ الذين كانوا معه في السفر، يا شيخ نذهب إلى زيارة الشيخ أبو بكر الجزائري. قال والله لن أذهب إليه حتى يتراجع عن فتواه وتعاطفه مع جماعة التبليغ. كانوا يقبلوا، يقول للشيخ والله كنا نقبل رأسه ونقول يا شيخ هو شيخ وأتى من بعيد وكذا، والله حتى يتراجع عن فتواه لجماعة التبليغ رحمه الله تعالى. إذن رحمة الله عليه son impact est encore vivant même ici en Europe رحمة الله عليه. Et quand il a dit Subhana Rabbi al-A'la dans ce sujoud 10 fois, Subhana Rabbi al-Azim dans le ruku' 10 fois, dire que la prière était très importante pour lui. Il a un fascicule dans la description de la prière du prophète alayhi wa sallam. Et j'ai vu l'impact de son enseignement chez des vieux Marocains dans une ville qui est à la frontière entre Roubaix et à la frontière belge, Roubaix-Lille, etc. Il s'appelle Moucron. Et à l'époque, ils n'avaient pas de mosquée à Moucron, ils avaient dans une autre petite ville qui s'appelle Courtrai. En rentrant chez ces gens-là, pour être leur imam, et je vois des personnes âgées qui faisaient des gestes que certains de nos frères à Marrakech faisaient dans les années 70, à la fin des années 70, on leur dit, si vous voulez jouer au karaté, le cinéma mauritanien, il est là-bas. L'affiche de Bruce Lee, elle est de l'autre côté. Ainsi on leur répondait. Ils élevaient leurs mains pour aller à sujoud, pour se relever de sujoud, etc. Et ils saluaient dans la prière. Et sors, va, si tu veux jouer au karaté, dors. Et je rentre dans cette mosquée, et je dis salam alaikum. Un vieux, la barbe toute grise, qui dépasse les 70 ans, il lève sa main. Je dis, subhanallah, c'est pas possible, je rêve. Je regarde dans la prière, j'ai cette stilaha. Levez la main pour aller vers sujoud. Quand de temps en temps, ils se mettaient sur leur talon aussi à faire vivre toutes les sunnahs qu'on devait faire de temps en temps, des fois dans la prière. Ils les faisaient, je les voyais dans ces lieux. Je dis, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette façon de faire, les jeunes se faisaient engueuler à Marrakech. Et là, il y a un soir, on était dans un dîner chez quelqu'un. Et je prends ce vieux que j'ai vu la première fois. Je dis, j'ai vu que tu fais dans la prière quelque chose. Normalement, tu viens de Maroc, tu es un vieux marocain. En général, vous êtes sectaire un petit peu pour le Mdab al-Maliki. Donc tout ça, niente, walou. Comment ça se fait? Il a dit ça à Hassan, que nous avons vécu 6 mois avec Cheikh Taqi Dil. Il est allé dans la ville de Courtrai. Il nous a appris la prière du prophète de A à Z, par les gestes. Mais son impact, il est encore là. Il est encore là et un petit peu partout. Et parmi ses positions fermes, une fois, ces vieux de Moucron sont partis avec lui à la ville de Bruxelles. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait Cheikh Abou Bakr al-Jazairi qui était là. Ils lui ont demandé d'aller le voir, de le visiter. Il a dit, par Allah, j'irai pas. Jusqu'à ce qu'il revienne sur la fatwa qu'il donne à Jama'at Tibligh. Jusqu'à ce qu'il revienne sur les éloges qu'il fait de Jama'at Tibligh. Lui, il me dit, on lui embrasse la tête, on lui demande, on le supplie pour y aller. Il a dit, niente, j'irai pas. Rahmatullah alayh. Kadhalika, عندما كان في الهند رحل إلى أفغانستان رحمه الله تعالى، فرأى الخرافات، وكان في الهند أستاذا وتعلم هناك الإنجليزية، في بداية تعلم اللغة الإنجليزية بدأ يتعلمها مع تلامذه الهنود، فرأى أن الهنود لا يحسنون النطق باللغة الإنجليزية، فبحث عن رجل آخر من، وكان هذا الرجل من أصل كندي، فتعلم عنه اللغة الإنجليزية وأتقنها، وبعدها أتت ترجمته لكتاب الله عز وجل باللغة الإنجليزية، وهي الترجمة المعتمدة الآن. Et quand il était en Inde, il a voyagé aussi vers l'Afghanistan. Et il a vu l'associationnisme qui est là-bas et les histoires à dormir debout aussi, etc. Et quand il était en Inde, ben il enseignait et aussi lui, il prenait des cours. Il enseignait l'arabe. Il a vu que pour arriver à atteindre un peuple, il faut apprendre sa langue. Et il a vu que la meilleure des langues, qui est un petit peu, qui gère un petit peu tout, là où il était, l'Inde, le Pakistan, etc., c'était là. La langue anglaise. Il voulait l'apprendre. Il a commencé à l'apprendre par les hindous, par ses élèves hindous, mais il a vu qu'ils avaient un accent qu'ils ne perfectionnaient pas. Donc il a cherché quelqu'un d'autre. Il est tombé sur un missionnaire canadien et il a pris de lui la langue anglaise. Et de là, par la suite, il a perfectionné cette langue et il nous a laissé en héritage cette traduction du Coran en langue anglaise qui est qui a été distribué depuis par des millions d'exemplaires à travers le monde. فرحم الله الشيخ رحمة الله عليه. أما مواقفه في الدفاع عن العقيدة وفي الرد على المخالفين للمنهج فمواقف كثيرة رحمه الله تعالى. Quant à ses positions à défendre le dogme et à réfuter à ceux qui sont en divergence avec la voie du plusieurs رضي الله عليهم sont nombreuses. مثلا في رد بدعة قراءة القرآن على الأموات رحمه الله تعالى. قال محمد تقي الدين الهلالي عقب حديث ابن عباس في القبرين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهما يعذبان، يقول رحمة الله عليه: ولو كانت قراءة القرآن للأموات مشروعة ونافعة لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن وجعله وجعل ثوابه لهما ولاقتدى به أصحابه ففعلوا مثل ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور كثيرا ولم يقرأ على أهلها شيئا من القرآن، مع أن قراءته لا حد لثوابها صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان يدعو لهم ويعلم أصحابه إذا رأوا القبور ذلك الدعاء كما يعلمهم صورة من القرآن. وقد تقدم لفظ فيما أخرج في كتابه رحمة الله عليه. Il dit رحمة الله عليه pour répliquer à ceux qui lisent le Coran sur les tombes. Il dit dans l'interprétation du hadith d'Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما qui est rapporté par l'imam Ahmed, par Abu Daoud et par Muslim, le Rasoul صلى الله عليه وسلم est passé à côté d'une tombe et il a dit, il leur a annoncé que deux personnes dont deux tombes subissaient un châtiment. Hadith, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu. Il a dit, c'est le fait de lire le Coran pour les morts était bénéfique et était légiféré, le prophète alayhi salam l'aurait fait. Et la récompense, et Rasoul sallallahu alayhi a une grande récompense min Allah azza wa jalla. Donc, ça aurait été bénéfique pour les morts, que le prophète, pour ces deux morts, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur lise le Coran. Et que s'il l'avait fait, ben ses compagnons l'auraient fait aussi. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam visitait les tombes, visitait les cimetières. Et il n'a jamais lu le Coran sur les tombes, ni sur les morts qui sont dans ces tombes. Alors que la lecture du prophète alayhi wa sallam, pour la récompense, il n'a pas de limite. Salawat wa rabbi wa salamu alayhi. Mais au contraire, Rasoul dit, Cheikh Taqi dit, il est là, rahmatullah, mais au contraire, il appelait les gens. Il faisait dua pour les morts. Et il enseignait à ses compagnons le dua à faire quand on rentre au cimetière. Comme il leur enseignait le verset, le chapitre du Coran. ومن الأدلة يأتي بالأدلة على أن قراءة القرآن وجعل ثوابها غير مشروعة حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، ولم يقل عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ تقي الدين الهلالي، ولم يقل يقرأ عليه القرآن أو ادعو المتآكلين بالقرآن ويعطيهم أجرة ليقرأوا ختمة من القرآن ويجعلوا ثوابها لوالده كما يفعل أهل هذا الزمان الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا جاء في سبيل الرشاد. Et il a dit, rahmatullah alayhi, de continuer pour réfuter cette innovation. Et il dit, fait partie des preuves comme quoi la lecture du Coran, lire le Coran sur la tombe et dédier sa récompense aux morts, ceci n'est pas légiféré. Il a dit, le hadith qui le prouve, c'est le hadith d'Abu Hurayra radiallahu ta'ala, qui dit, quand l'être humain meurt, bah, ses actes sont coupés sauf de trois choses. Un enfant vertueux, un enfant pieux, qui va lui faire dua. Et il a dit, rahmatullahi alayhi, et il n'a pas dit, le prophète alayhi sallam n'a pas dit, lisez sur lui le Coran, ou l'a ramené cette équipe. Parce que maintenant, c'est des équipes. Ils ont des cartes de visite. Même ici, ils ont des cartes de visite. Pour les avoir, pour qu'ils viennent, tu leur fais un grand repas, et après, au moins, ils se divisent, soi-disant, pour conclure le Coran dans la soirée, chacun prend 5 hizbes. Et ils les lisent à une rapidité, à la vitesse de l'éclair. Certains de nos frères dans le Nord, ils disent du CBG, du Coran à grande vitesse. Ils le lisent, mais au bout d'une demi-heure, chacun a terminé les cinq chapitres. Tu imagines, t'as 20 minutes, 30 minutes, ils ont terminé, chacun. Ils ont terminé le Coran. Hada, il a pris 5, Hada, il a pris 5, Hada, il a pris 5, ça, ils ont terminé. Enfin. Et en plus, ils prennent de l'argent. Attention maintenant, c'est pas Herzamati donne selon. Là, il y a un tarif. Et après ça, il y a Dua. Et plus le billet est grand, plus la couleur est belle, plus il est fort, plus les chiffres sont de l'ordre de 3 et 1, bah plus le Dua il est 1. Bah oui. Certains, même en Égypte, ont dit. Il ne faut pas vendre le Coran à bil prix. A'oudou billah. Certains moukrés, réputés, on les convoque pour des mariages, pour des trucs, et pour le huitième du Coran, il prend telle somme. Pour le quart du Coran, il faut telle somme, et ainsi de suite. Et là, quelqu'un l'a questionné, lui a dit, c'est qu'est-ce que tu fais? Il a dit, il ne faut pas vendre le Coran à bil prix. À ce point-là. Enfin, Cheikh Rahmatullah Ali, il réfutait ça. Et ça, il le disait haut et fort dans un Maroc, à cette époque, où le bid'a avait pion sur rue. Il mettait sa vie en danger, mais cela n'empêchait pas qu'il refutait dans ses écrits, dans ses cours, partout. Il disait que ça, ce n'est pas un acte à faire. Ce n'est pas un acte qui est légiféré. Cet acte, le fait de lire un comme ça, et de ramener une équipe à lire le Coran pour le mort et leur faire un repas et les payer, etc., ne fait pas partie de la voie des plusieurs, wallah alayhi. Ainsi il était, rahmatullah alayhi. Wa qala, rahimahullah, fi raddi, ba'd al-bida' allati kana ya'maluha, wa la zalat, fi ba'd al-manatiq, fi janoub al-maghrib, min aja'ib ma yaqa'u fi al-maghrib, wa yunsabu ila al-islam, wa al-islamu bari'un minhu, shay'un yusammunahu bil-fidya, wa huwa shahid, شائع عند الجهلة يدعو أولياء الميت جماعة من البطالين هكذا يسميهم رحمة الله عليه المحتالين ليعملوا لهم فدية للميت تنقذه من العذاب وتجعله من أهل الجنة سبحان الله فإذا كان قبره حفرة من النار ينقلب في الحين روضة من رياض الجنة بتلكم الفدية كيف عرفتم هذا؟ وذلك أن أولئك البطالين يذكرون لا إله إلا الله 70,000 مرة يتقاسمون العدد فيما بينهم كل واحد بضعة آلاف فيطعمهم ذلك المسكين ويعطي كل واحد منهم شيئا من الدراهم يأكلها سحتا Et aussi fait partie des choses extraordinaires qu'il a vécu, qu'il a combattu, rahmatullah alayhi, dans certains dans le sud marocain et dans certaines régions de l'Est, etc., du royaume du Maroc, des choses que les gens font, qu'ils attribuent à l'islam, alors que l'islam est innocent de ce genre d'actes. Les ignorants font ce qu'on appelle la compensation. Le fidya. Hein? Ils appellent, la famille d'un mort appelle certains faussaires. Parmi ces mal fuqara ou là, ceux qui disent qu'ils sont. Certains, c'est souvent des groupes d'Al-Tasawwuf qui s'habillent d'une façon modeste, etc. Ils ont des dégaines qui amassent, soi-disant, la dévotion, la concentration, etc. Ils les amènent à la maison. Ils amènent ce groupe à la maison pour faire cette fidya aux morts, pour le sauver du châtiment et pour qu'il soit parmi les gens du paradis. Et si ils disent, ils croient, ils font croire aux gens que si sa tombe est un gouffre de l'enfer, bah après cette fidya, bah ce sera un jardin du paradis. Subhanallah. Et voici comment. Bah ces faussaires vont être là, ils vont tout simplement dire 70 000 fois La ilaha illallah, La ilaha illallah. À la fin, bah ils n'arrivent plus à dire La ilaha illallah. Après, tu ne fais plus la différence entre le chien de la voisine et leur voix. Hein? Ils se divisent 70 000 entre eux. Hein? Je ne sais pas comment ils n'arrivent pas à attraper les torticolis. Hein? Et en plus de ça, ils prennent de l'argent et ils mangent tout ça. Hein? إلى رحمه الله كذلك وله رحمة الله عليه في 50 قصيدة في 95 بيتا في ذم من عارض القرآن والسنة. Il a une poésie sur plus de 95 vers fait de blâmer et de refuter à ceux qui s'opposent au livre d'Allah et l'authentique de la Sunna de Muhammad عليه الصلاة والسلام et dans lequel il appelle au fait de faire revivre la sunna et de mettre en application la parole d'Allah Azza wa Jalla, l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. يقول رحمة الله عليه في بعضها ومن يقل سنات الرسول فإنه يعذب في الدنيا وفي فتنة القبر ويسأله فيه نكير ومنكر وما من جواب عنده غير لا أدري ودي سنة الجبار في كل من غدا يحارب دين الله في السر في السر والجار. Il dit dans certains passages, et celui qui met de côté la sunna du messager, ben il va être châtié dans ce bas monde et dans la tombe. Et Nakir ou Amonkar vont lui poser des questions, il n'aura pas de réponse dans la tombe, sauf je sais pas. Hein? Et ça, il dit ça, c'est la sunna d'Allah Azza wa Jal pour tous ceux qui combattent la religion d'Allah Azza wa Jal, que ce soit en public ou là, en privé. كذلك فهي طويلة فأما عليكم إلا باقتناء سبيل الرشاد إذا كنتم من الذين يتقنون العربية اقتناء سبيل الرشاد فستجدون فيه مواقف الشيخ وأشعار الشيخ ما يتلج الصدور في الدفاع عن هذا المنهج وفي الدفاع عن كتاب الله وعن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Si vous faites partie de ceux qui perfectionnent la langue arabe, procurez ce livre Sabil al-Rashad, il a dit Khalil. Vous allez des cœurs qui vont, vous allez trouver des paroles et une poésie qui va vous réjouir, vous donner la joie dans votre cœur, voir la défense de la sunna, la défense de la parole d'Allah et la défense de la voix du plus haut d'Allah alayhim, comment il est. Kadhalika mawqifuhu min as-sufiyya lahu min al-athar salafiyya ma yuhmadu alayhi rahmatullah alayhi al-hadiya al-hadiya ila al-ta'ifa al-tijaniya wa hadha mutadawil. Et aussi ses positions contre les sophies et contre les voies sophies. Rahmatullah alayh. Nous a légué un héritage salafi qui est l'hadiya al-hadiya dans le fait de nous montrer c'est quoi cette voie d'yal tijaniya. Qala fihi rahimahullah i'lam anna tijaniyin rawaw an shaykhihim fada'il tahsulu li muta'alliqin bihi وهذه الفضائل مصادمة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. qu'il dit, rahmatullah alayh, dans ce livre, que les Tijanis propagent de leur shir des vertus qui arrivent à ceux qui sont attachés à la voie d'El Tijaniya. Et ces vertus sont en contradiction avec la parole d'Allah Azza wa Jal, l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam et le consensus de la communauté. ويقول رحمة الله عليهم ويزعمون أن الشيخ تيجاني كتب تلك الفضائل بيده وسلمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقرأها ويضمنها ويضمنها له فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمنها له كذب افتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع ذلك يقظة كيف وقع يقظة لا مناما انظر وهذا يقرأه في صفحة 44 من الجزء الثاني من الرماح ولا لا تقرأ الرماح لا تحتاج إليها خرابيط على خرابيط هذا من المعتمد عند تيجاني فهذه خرابيط كيف تضيع وقتك معها ils ont prétendu que Tijani leur cheikh a écrit ses vertus et lui-même il les a donné directement au prophète عليه الصلاة والسلام en éveil pas en rêve, mais en éveil. Il les a donnés au prophète alayhi salatu wasalam. Il a demandé au prophète alayhi salatu wasalam de les lire et de lui garantir ce qu'il y a dedans. Et le prophète les a lus, il a garanti ce qu'il y a dedans comme vertu, a'oudou billah. Mensonge sur le prophète alayhi salatu wasalam. Ils disent que ça s'est passé en éveil. Que Tijani a vu le prophète en éveil et qu'il lui a fait lire ce qu'il a écrit, a'oudou billah. Et ceci est rapporté dans leur recueil principal, qui est leur Sahih al-Bukhari al-Rimah. وهذه الفضائل زعموا أن الله يعطيهم إياها بسبب تعلقهم بشيخهم. Et ces vertus, ils prétendent, les Tijani prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Tout simplement parce qu'ils sont attachés à leur shir. Regardez. Et plusieurs d'Allah alayhim nous attachent au livre d'Allah. Il y a l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salam, avec la compréhension du puzzle, haoula, ils attachent les gens à leur chir. Ah non. Hein? Et, Chir va nous citer certaines de ces énormités. Il dit dans le fadil al-oula, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam damina lahum an yamoutu ala l'iman wa l'islam. Kaif? Mata hada? Mata kan? La première vertu, c'est que, dans ce qu'a écrit Tijani, la première vertu, c'est qu'il garantit au Tijani de mourir sur la foi et sur l'islam. Quand? Comment? Hein? Rasulullah sallam, il est mort. C'est fini. Hein? Comment on peut gober ce genre d'énormité? Hein? C'est ça qu'il a dit. Vrai, celui qui a dit. Ah, est-ce qu'il y a un marché de raisons pour acheter des raisons à ceux-là? Parce qu'ils n'en ont pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innaka mayitun wa innahum mayitun » Allah subhanahu wa ta'ala dit de notre prophète alayhi salatu wa sallam « Tu mourras, ils mourront. » Et adallas, après, plusieurs siècles, plusieurs milliers de siècles après, mille ans après, dix siècles après, et plus. Là, il leur garantit ils vont mourir sur la foi et sur l'islam. كذلك الفضيلة الثانية أن يخفف الله عنهم سكرات الموت. La deuxième vertu, c'est que s'ils sont adeptes d'Yeltijaniya, ils vont pas subir les douleurs de la, les douleurs de la mort vont être allégées pour eux. Subhanallah. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ceux qui vont, les prophètes ont subi les plus grandes douleurs de la sakarat al-maut, les douleurs de la mort, au moment de l'agonie, au moment où l'âme va sortir. Et hadullah, ça va être allégé pour eux. كذلك انهم لا يرون في قبورهم الا ما يسرهم كيف qu'ils vont voir dans leur tombe que ce qui les réjouit. Comment? C'est quelque chose de l'invisible. Comment ils peuvent savoir? Comment on peut gober ces énormités? كذلك أن يؤمنهم الله تعالى من جميع أنواع عذابه وتخويفه وجميع الشرور من الموت إلى المستقر في الجنة. garantie الجنة عندهم. لذلك الله سبحانه وتعالى va les préserver de toute forme de châtiment. ils vont pas avoir peur aucun mal de leur mort jusqu'à s'installer au paradis. direct garantie. سبحان الله. ويقول عن تيجاني حتى هذه خرابيط كثيرة ولكن حتى تعلم ما عليه القوم وإلا فلسنا بحاجة لها ولا أن نسمع ولا أن نلوت أسماعنا بها c'est beaucoup de n'importe quoi des paroles nous en avons pas besoin mais tout simplement on les cite pour savoir à quel degré de bassesse et d'ignorance sont tombés les gens dans les sectes sinon يقول كذلك ان محبه ان محبه ومحب الشيخ تيجاني لا يموت حتى يكون وليا لا يموت حتى يكون وليا قال تيجاني قد اخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ان كل من احبني فهو حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون وليا قطعا وقال لي سيد الوجود أنت من الآمنين ومن أحبك من الآمنين وأنت حبيبي ومن أحبك حبيبي وكل من خذ وردك فهو محرر من النار وقال أبشروا أن كل من كان في محبتنا إلى أن مات عليها يبعث من الآمنين على أي حالة كان ما لم يلبس وأما من كان محبا ولم يأخذ الورد فلا يخرج من الدنيا حتى يكون من الأولياء. regardez ces énormités. Et Tijani dit que celui qui l'aime, il ne mourra pas tant qu'il ne soit pas wali. Et les wali, ce sont ceux qui préservent les droits de Allah, Azzawajal, qui mettent en application ses ordres et qui s'abstiennent de ses interdits. Hada, c'est le réel. C'est les wali par excellence. Et ce sont eux les véridiques. Comment veut-il que des gens, dont leurs invocations c'est du shirk, et certains actes qu'ils font ce sont des domaines de la mécréance, vont être les wali d'Allah Azza wa Jal. Tijani dit que le prophète alayhi salatu salam, qu'il appelle le seigneur de l'existence, Sayyid al-Wujud, il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous ceux qui l'aiment, qui aiment Tijani, ce sont les aimés de Muhammad alayhi wa sallam. Il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il soit réellement un wali. Et il a dit, et le Seigneur de l'existence, de Muhammad alayhi wa sallam, il a dit, toi, tu es la sécurité. Et ceux qui t'aiment ont la sécurité. Et toi, je t'aime. Et celui qui t'aime, je l'aime. Et tous ceux qui ont pris ton word, c'est-à-dire sa façon, la façon de faire leur dhikr, seront épargnés, libérés du feu. Et il a dit, je vous annonce, Hada Tijani qui dit, que tous ceux qui sont dans notre amour, et qui meurent dessus, ils vont être ressuscités en ayant la sécurité. Et il dit aussi, de ceux qui n'ont même pas le monde, mais qui les aiment, eux aussi, ils vont être, ils vont sortir de ce bas monde en étant wali. Fa yarud al-Sheikh Taqi al-Din Hilali ala hadha al-hura. Qala Muhammad Taqi al-Din Hilali rahimahullah ta'ala, اعلم أيها القارئ الموفق لمعرفة الحق واتباعه مع من كان وحيث كان أن ما ذكره صاحب الرماح من الفضائل بزعمه له ولإخوانه في الطريقة ولشيخهم بزعمهم مردود من وجوه بعضها إجمالي وبعضها تفصيلي ويقول ونبدأ بالإجمال كل ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار هو من شر أقسام الموضوع المفترى وقد خاب من افترى لأنه في الكتاب أتوا بأحاديث موضوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأمة بعلمائها وأئمتها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن تقوم الساعة أجمعت الأمة على أنه لا طريق لتلقي خبر من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع والمشاهدة في حياته الدنيوية أو بواسطة الثقات الأثبات بالسند المتصل وما ذكروه من الأخبار ليس له سندا أصلا وما زعموه من السماع كذب بإجماع الأئمة ومن خرق إجماعهم والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وكان مشاقا لله للرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعا غير سبيل المؤمنين ومن ذلك أن تلك الأخبار مناقضة لكتاب الله وللأخبار الصحيحة المروية بأسانيد كالشمس معلومة التواتر أو الصحة العالية إذا قرأت ما تقدم من الرد تبين لك من خلاله فساد تلك الأخبار وبطلانها واضمحلالها الشيخ تقي الدين الهلالي دون الهادية إلى الطريقة الجندي ساش ها تواكيلي C'est-à-dire qu'il lit son livre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit de connaître la vérité et de suivre la vérité avec qui il est cité. Peu importe celui que tu suis dans cette vérité, celui avec qui il est la vérité, que ce qu'a cité celui qui a écrit Rimah, des vertus, et ce qu'ils ont prétendu pour leurs adeptes dans cette voie et pour leur shir, pour Tijani, ce qu'ils ont prétendu, il est réfuté, il est rejeté. Hein? Globalement et particulièrement, barakallahu fik. Et que tout ce qu'ils ont attribué au prophète alayhi salatu salam parmi les annonces qu'ils ont annoncées, ça fait partie des pires inventions sur le prophète alayhi salatu salam. Et il ne réussira pas celui qui a inventé des choses sur le prophète alayhi salatu salam. Car la communauté, ce soit les savants, ces imams, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection, sont unanimes qu'il n'y a pas une autre voie d'apprendre des choses du prophète alayhi salatu salam, sauf en l'ayant écouté de lui directement, durant sa vie. Durant sa vie, dans ce bas monde, avant qu'il soit mort. Pas comme a dit Tijani, que le prophète est venu le voir en éveil. C'est-à-dire que le prophète est sorti de sa tombe, la tombe est restée vide, et il est venu voir Tijani, là où il est. Il dit, soit donc les annonces que nous avons du prophète alayhi salam, soit les gens les ont écoutés, ceux qui ont vécu avec le prophète alayhi salam, l'ont écouté directement du prophète alayhi salam, ou l'ont reçu de ceux qui l'ont transmis du prophète alayhi salam. Ceux qui l'ont transmis, les dînes qui l'ont transmis et les hommes de confiance qui l'ont transmis par des chaînes de transmission liées l'une à l'autre, dans laquelle il n'y a pas de faille. Et ce qu'ils ont cité comme annonce n'a aucune chaîne. Il n'y a pas de chaîne qui va amener de Tijani à Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Tijani n'a pas vécu à l'époque du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Et Tijani n'a pas pris des dînes de la communauté. Et il n'est pas considéré comme un dîne qui peut être dans une chaîne de transmission. Et tout ce qu'ils ont prétendu comme ce qu'ils ont entendu, c'est un mensonge par le consensus de la communauté. Et celui qui sort du consensus de la communauté, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance et sa demeure sera l'enfer. Et en agissant ainsi, il a pris une autre voie que la voie de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Il a suivi une autre voie que la voie des croyants. Ils sont en priorité, les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Et il a dit tout ce qu'ils ont annoncé dans leur livre, ce sont des choses qui sont en contradiction avec la parole d'Allah azza wa jal et avec l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Qui a cet authentique de la sunna qui a été transmis avec des chaînes de transmission qui sont plus claires que le soleil en plein zénith. Et il a dit tout ce que c'est faux, c'est blâmable. سينو أبنو. وله مواقف كذلك مع الجهمية في قصائد عدة. قال محمد تقي الجليلاني رحمه الله: لقد من الله علي وعانني على ختم هذا القسم، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبمحبتنا واتباعه واتباعنا لخليله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينني على القسم الثالث ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ولما كنت أنقل كلام الأئمة كنت أمر بأشعار في الرد على المقلدين وذم طريقتهم ومدح اتباع الكتاب والسنة، فرأيت أن أؤخرها وأجعلها خاتمة لهذا القسم يستمتع بها من حبب الله له الاتباع وكره إليه التقليد. وهذه أول ما أبدأ به القصيدة المقصورة، نظمتها في مصر سنة 41 و300 ألف للهجرة، وهذا في المجلد الرابع من سبيل الرشاد. Il avait des positions aussi contre toute forme d'innovation, contre les jahmites. Hein? Tu ne peux pas croire que toutes ces sectes ne sont plus là. Il y en a encore. Et parmi nos contemporains, et parmi les intellectuels de certains groupes, hein, prenez une tête, une plume, d'El Ikhwal al-Muslimin au Koweït, dans une revue qu'ils appellent la revue de la société musulmane. Ils auraient dû, s'ils étaient véridiques avec Allah, ils auraient dû marqué la revue de la secte des frères musulmans. Là, ils auraient été véridiques dans l'appellation. Et Hada, qui fait partie de l'éditorial, Hada, comment on l'appelle, Hada, le chef de l'édition, le rédacteur en chef, il dit, je ne sais pas comment confirmer la main à Allah. Subhanallah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Allah s'est confirmé la main. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Abu Bakr, Omar, Uthman, les compagnons, ceux qui les ont suivis, comment toi tu ne sais pas? Pourquoi? Il ne faut pas croire que le Jamia, le Mu'tazila, tout est fini. Rien n'est fini. Ils sont là. Et des fois c'est pire. Dans certains sectes, dans une seule personne, dans ses paroles, des fois tu as un Mu'tazili devant toi. Ils changent. Hein? C'est comme des caméléons. Ils changent, ils deviennent Ash'ari. Après, il devient Jami. Après, il devient Khareji. Après, il se change, il devient Morgé. C'est pas sûr qu'il voit, tu vas le prendre. La même personne. Hein? Donc, tout ça, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas. Il y a Yahya Islam. Hein? Et donc, Cheikh Taqid Dilhilal, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a comblé. Il m'a aidé à venir à la fin de ce tome. C'est-à-dire quand il est arrivé à la fin de l'écriture de son troisième tome. De Sabil al-Rashad. Il demande à Allah, il fait du'a à Allah, c'est là en prenant comme intermédiaire les noms et les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Il a dit avec l'amour et le suivi de notre prophète, alayhi salatu salam, que Allah subhanahu wa ta'ala me facilite d'accomplir le reste qui va venir. Et qu'il fasse que cette œuvre soit sincère pour Allah, Azza wa Jal. Il a dit, quand je prenais les paroles des grands imams, il a dit, il y avait de la poésie qui blâmait les imitateurs aveugles et qui blâmait leur voix, qui faisait l'éloge au suivi du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Il a dit, j'ai préféré les laisser jusqu'à la fin et de les mettre. Là, il a écrit toute une poésie qu'il a mis à la fin de son quatrième tome. Et cette poésie, il l'a écrite en Égypte, au 1341 de l'Hégire. Et je vous cite juste un passage. وَلَيْشَ يَجُوزُ بِمَذْهَبِنَا اتِّبَاعٌ لِغَيْرٍ فَدْعٍ مِنْ هُدَى وَلَسْنَا نُؤَوِّلُ لَفْظَ الْحَدِيثِ وَالذِّكْرِ إِلَّا بِمَا قَدْ أَتَى فَمَا هَلَكَ النَّاسُ إِلَّا بِمَا تَأَوَّلُهُ زُمْرَةَ الْاِعْتِدَى فَنَحْنُ عَلَى مَذْهَبِ السَّابِقِينَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى. Dans notre voie, ne faisons que suivre. Nous n'allons pas suivre un égaré ou une fausse route. Il a dit, et ne changeons pas, et ne donnons pas d'autre signification à la parole, à ce qui est arrivé dans la révélation et dans le hadith. Car ceux qui ont péri avant, c'est ceux qui ont pris cette voie de donner d'autres significations que les significations réelles au texte. Il a dit, nous sommes sur la voie de ceux qui nous ont devancés. Nous sommes sur la voie de ceux qui nous ont devancés. Il dit, وَمَنْ حَادَ عَنْ نَهْجِهِمْ فَقَدْ هَوَى سَوَاءٌ دَرَى ذَاكَ أَمَّا دَرَى فَخَيْرُ الْهُدَى هَدْيُ خَيْرِ الْوَرَى وَشَرُ الْأُمُورِ اتِّبَاعِ الْهَوَى. Mais celui qui dévie de leur voie, c'est qu'il est tombé. Le hawa, c'est le fait de tomber de haut en bas. En le sachant, là où on l'ignorant, il est tombé, de haut en bas. Et il dit, la meilleure des guidées étant la guidée des premiers, c'est-à-dire la guidée de Mohammed alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Et le pire des situations, c'est de suivre les passions. وَلَهُ كَلَامٌ طَوِيلٌ في هذه القصيدة يرد فيها على المؤولة وعلى الجهمية وعلى الرافضين للسنة وله كلام كثير كذلك في دم أهل الكلام دع الكلام فما فيه سوى الخطل وانبد مجالسة مجالسه تحفظ من العلل من العلل فهو شر ابتداع جاء بالخلل وخلي سمعك عن بلوى أخي جدل. Il dit, en blâmant la science de la parole, la philosophie en général, laisse la dissertation et la philosophie de côté, parce que ce n'est qu'un mal, un mélange de mal. Et ne va pas dans les assises où il n'y a que la philosophie et la dissertation, parce que ça ne ramène que les maladies. Et c'est la pire des innovations, il dit. وقال رحمه الله تعالى وفي الصحيح في حديث الجارية قال رحمة الله عليه ونختم بهذا إن شاء الله في هذا الحديث يعني حديث الجارية السؤال عن الله تعالى أين قال ومنعه الخوارج وسائر الفرق المعطلة كالمعتزلة والمتأخرين من الأشعرية وزعموا أن من سأل عن الله بأين فهو مجسم واختلفوا في كفره وفسقه ومعصيته فيلزمهم نسبة ذلك إلى نبي الله عز وجل الذي جاءنا بالإيمان فقبح الله علما يفضي إلى مثل هذا وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنكرته المعطلة واختلفوا في كفر معتقده فيا ويلهم ماذا جنوا على أنفسهم بسبب جهلهم وعمى بصائرهم فنعود بالله من الخذلان. إلى رحمة الله عليه كنت لا أنتقبت الحديث اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم pose la question à la servante où il est Allah avec أين الله. إلى دي الحديث الخوارج نو أنتقدي. Et tous les groupes de l'égarement, ceux qui dépouillent les sens, comme le Mu'tazila, et comme les derniers parlent, Asha'ira, ils ont prétendu que le fait de poser la question où il est Allah, c'est donner un corps à Allah, Azza wa Jal. Ils ont été en divergence dans le fait de le rendre mécréant, ou la pervers, etc. Il dit, cela implique qu'ils doivent attribuer ça au prophète alayhi salatu wassalam. La perversité, la mécréance, etc., dans laquelle ils ont divergé. Cela implique, en agissant ainsi, qu'il attribue ça au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, nous avons enseigné que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du ciel. Et il a posé cette question à cette servante. Et il a dit, qabbah Allahu, que Allah subhanahu wa ta'ala blâme une science qui amène à ce point-là, qui amène à mettre de côté la parole du prophète alayhi salatu wassalam. A dû puiser de son sens la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est l'approbation du prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi Allah azza wa jal est au-dessus des cieux. Et le mu'attila ha'oula ne l'ont pas reconnu. Ils ont été en divergence dans la mécréance de celui qui le croit. Il dit, malheur à eux, qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime sur eux-mêmes, à cause de leur ignorance, à cause de leur aveuglement. فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمواقف سلف هذه الأمة وينجعلهم قدوة لنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.